Et maintenant, Seigneura, je suis prêt à remonter dans votre chambre. L'autre horloge, si bon vous semble, voire même les deux ensemble. Ce sera comme vous voudrez. Seigneura, faites votre choix. Et toujours le sourire aux lèvres. Vraiment, cet homme a des biceps qui dépasse tous mes concepts. Avec lui, pas de propos mièvres. Dans ma chambre, monsieur, il vous plaira mon tour. Et laquelle y dois-je porter tous ces horloges ?